إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. On commence donc aujourd'hui le cours numéro 37 dans la lecture du livre Umdatul Ahkam, et c'est le sharh de Cheikh Abdullah Al-Bassam qui s'intitule Taysir Al-Allam. Donc on est arrivé à un nouveau chapitre aujourd'hui. On commence le chapitre au sujet de la description de la prière du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et dans ce chapitre, donc le cheikh il commence en disant Babu sifati salati nabi sallallahu alayhi wa sallam. يذكر المصنف في هذا الباب طرفا من الأحاديث الصحيحة في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وصلاته هي الصلاة التامة الكاملة التي لا يتطرق إليها النقص أو الخلل وهو المشرع صلى الله عليه وسلم فيجب اتباعه وتقديم سنته على كل قول وقد قال صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي فيجب علينا معرفة صلاته ومراعاتها نظرا إلى أن أفعاله صلى الله عليه وسلم بيان للأوامر الموجبة لفعل الصلاة فإن أفعاله في صلاته صلى الله عليه وسلم تدل على الوجوب ومن صرفها عنه إلى غيره فعليه تقديم الدليل. Donc le cheikh il explique que dans ce chapitre on parle de la description de la prière du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et il mentionne que l'auteur mentionne dans ce chapitre certains hadiths authentiques de la description de la prière du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et la prière du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est la prière qui est complète et qui est parfaite, et c'est la prière yani qui n'est pas touchée par aucun manquement ou aucun défaut. Et c'est lui, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui est le législateur, hein, et donc il est obligatoire de le suivre et de mettre sa sunna au devant de la parole de quiconque. Il dit ensuite que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, c'est un hadith célèbre et que les ulama ils répètent tout le temps, sallu kama ra'aytumuni usalli, c'est-à-dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit faites la salat comme vous m'avez vu faire la salat. Et il dit donc qu'il est obligatoire pour nous de connaître la salat du prophète sallallahu alayhi wa sallam et yani de s'en préoccuper de faire en sorte que notre prière soit comme la sienne. Ça c'est bien important, puisque il y a beaucoup de gens qui prient mais de différentes façons. Hein? Certains, par exemple, ils prient comme ils ont appris à prier, leurs parents leur ont montré à prier, ou bien leurs grands-parents leur ont montré à prier, et donc eux, ils prient comme ils ont vu les gens prier. Et donc, en réalité, ils ne savent pas vraiment si la salat qu'ils font, c'est la salat du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. C'est pour cette raison qu'il est important aux musulmans de retourner aux preuves, de retourner aux textes, de retourner aux hadiths qui donnent la description complète de la prière du prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour être sûr que notre prière, elle est à l'image de la prière du prophète sallallahu alayhi wa sallam, telle qu'elle a été décrite par les sahaba dans les hadiths. Donc, il y a de nombreux hadiths à ce sujet-là, et celui qui veut avoir plus de détails sur ça, il y a le livre de Cheikh Al-Albani, Cheikh Mohamed Nasiruddin Al-Albani, qui a écrit le livre sur la description de la prière du prophète sallallahu alayhi wa sallam de plusieurs sources, de tous les hadiths qui parlent de ce sujet-là. Il les a réunis ensemble et il les a expliqués. Donc c'est un livre très très bénéfique. Et en même temps, dans ce hadith-là, dans les hadiths qu'on va lire aujourd'hui, il y en a quelques-uns, donc parmi les hadiths authentiques dans Al-Bukhari et Muslim, qui expliquent l'exemple de la salat du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc ça, c'est un bon début déjà pour connaître sa prière et pour connaître les actions du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc le cheikh, il dit que les actes du prophète sallallahu alayhi wa sallam sont obligatoires, hein, c'est-à-dire c'est obligatoire pour nous de suivre son exemple dans la salat, et les actions qu'il a fait indiquent l'obligation, et celui qui veut les faire sortir de l'obligation, alors dans ce cas-là, il faut ramener la preuve. Donc ça, c'est l'introduction de Cheikh Abdullah Al-Bassam. Maintenant, il va citer le premier hadith de ce chapitre, qui est le hadith 79. Il dit: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كبر في الصلاة سكت هنيهة قبل أن يقرأ، فقلت: يا رسول الله، بأبي أنت وأمي أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول؟ قال: أقول: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. رواه البخاري ومسلم. Donc le hadith qu'il a cité, c'est le hadith qui est rapporté selon Abi Huraira radiallahu anhu, dans lequel le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: lorsque tu fais le takbir, c'est-à-dire il y a un homme qui est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit lorsque... Abu Huraira radiallahu anhu, il dit: lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait le takbir pour la salat, il restait silencieux pendant un petit moment avant de commencer la récitation. Alors, il dit, c'est-à-dire la personne, je dis: ô messager d'Allah, yani bi abi anta wa ummi, yani je donnerai en rançon mon père et ma mère pour toi, ô messager d'Allah, vois-tu ton silence entre le takbir et la récitation, qu'est-ce que tu dis pendant ce moment-là? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répondu en disant: je fais l'invocation, il dit, je dis telle invocation. Il a mentionné l'invocation en question. Donc je vais juste traduire le sens de l'invocation, ou bien sinon je peux la répéter, puis je vais la retraduire après. Il dit: Allahumma ba'id bayni wa bayna khatayaya kama ba'adta bayna al-mashriqi wal-maghrib. Allahumma naqini من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. Donc c'est un dua qui comprend trois phrases, et dans la première il dit: ô Allah, éloigne entre moi et mes péchés comme tu as éloigné entre l'est et l'ouest. Et dans la deuxième phrase il dit: ô Allah, nettoie-moi de mes péchés comme tu nettoies le vêtement blanc de la saleté. Et dans la troisième phrase il dit: ô Allah, lave-moi de mes péchés par l'eau, la neige et la grêle. Donc ça, c'est les trois choses qu'il a mentionné, les trois phrases qu'il a mentionnées, et il disait ça dans l'introduction, avant de faire la récitation de la Fatiha, il récite ça, après avoir fait le Takbiratul Ihram. Les mots qui méritent ou qui nécessitent une clarification, parmi les mots que le Cheikh il a mentionnés ici, ou les expressions qui sont mentionnées, il y en a cinq. Le premier c'est Hunay'atan. Hunay'atan, il explique que dans le dictionnaire, Al-Hin, ça vient de Al-Hinu, Bil-Kasr, qui veut dire le temps. Et Hunay'ah, c'est une forme rapetissée. Hein, c'est-à-dire, c'est la forme de ce mot-là, mais plus petite. Hunay'atan. Hunay'ah, c'est-à-dire un petit temps. Hein, un petit temps. C'est comme Yani Kitab Kutayib. Hein, c'est-à-dire la forme rapetissée de la chose. Et donc, ici, on parle d'un petit moment. Hein? Ou bien on peut dire aussi à la base Hunwatan, Hunay'atan. À la base c'est Hunwa et raptissé c'est Hunay'a. Après il dit, il veut dire par là un court silence. Ok. La deuxième expression qui est expliquée, c'est lorsqu'il dit Bi'abi anta wa ummi. Donc ici Bi'abi anta wa ummi, ça ne veut pas dire qu'il jure par son père et sa mère, ou bien qu'il jure par yani par son père et sa mère. Ici non, il dit bi abi anta wa ummi, ça veut dire al ba muta'alliqatun bi mahdhufin wa taqdiru anta mufdiyun bi abi wa ummi. C'est comme si tu disais je donnerai en rançon pour toi, hein, mon père et ma mère. C'est ça que ça veut dire. Donc c'est une expression que les Arabes utilisaient quand ils s'adressaient au prophète sallallahu alayhi wa sallam pour montrer l'amour et le respect au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils disaient ça, hein? Il dit ya rasulallah bi abi anta wa ummi, hein? Ra'aytu sukutaka wa kadha. Donc c'est comme si par respect il dit ça au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Après il dit ra'ayta sukutak, يعني بضم التاء رأيت. والمراد بالسكوت ضد الجهر لا ضد الكلام ويدل عليه عبارة ما تقول. Donc il dit ici, quand il a dit رأيت سكوتك, j'ai vu ton silence, il ne veut pas dire le silence complet, mais il veut dire le fait qu'il dit quelque chose mais il ne le dit pas à haute voix, ou il ne le dit pas de manière qui est audible clairement. Donc, il sait qu'il dit quelque chose, hein, mais il n'entend pas dire cette chose-là explicitement ou clairement, parce qu'il le dit pas à une voix qui est assez élevée ou assez haute pour être capable d'être entendu. Wa ad-danas bi fath ad-dal wa an-nun al-wasakh. Donc ad-danas, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans le doua yani de le nettoyer comme le vêtement blanc, comme il est nettoyé de Ad-Danas. Ad-Danas, c'est la saleté. Comme tu nettoies le vêtement blanc de la saleté. Et Al-Thalj wal-Barad, yani Al-Habbul-Ghamam. Donc c'est ça, c'est la neige et Al-Barad. Al-Barad, c'est la grêle, yani les grelons, les morceaux de glace qui tombent du ciel des fois. المعنى الإجمالي كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كبر للصلاة تكبيرة الإحرام خفض صوته مدة قليلة قبل أن يقرأ الفاتحة وكان الصحابة يعلمون أنه يقول شيئا في هذه السكتة لذا قال أبو هريرة أفديك يا رسول الله بأبي وأمي ما تقول في هذه السكتة التي بين التكبير والقراءة فقال أقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. وهذا دعاء في الغاية في غاية المناسبة في هذا المقام الشريف موقف المناجاة، لأن المصلي يتوجه إلى الله تعالى في هذا في أن يمحو ذنوبه وأن يبعد بينه وبينها إبعادا لا يحصل معه لقاء، كما لا لقاء بين المشرق والمغرب أبدا، وأن يزيل عنه ذنوب الخطأ وأن يزيل عنه الذنوب والخطايا وينقه منها، كما يزال الوسخ من الثوب الأبيض الذي يظهر أثر الغسل فيه، وأن يغسله من خطاياه ويبرد لهيبها وحرها بهذه المنقيات الباردة، الماء والثلج والبرد، وهذه تشبيهات في غاية المطابقة. Donc le cheikh il dit que la signification générale de ce hadith, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il fait le takbiratul ihram au début de la salat, il baisse un peu sa voix pendant un petit moment. Et ça c'est avant de commencer à réciter la Fatiha. Donc c'est pas comme si il fait Allahu Akbar puis direct il dit Alhamdulillah Rabbil Alamin. Non, il fait Allahu Akbar, il reste silencieux, c'est-à-dire il récite quelque chose à voix basse, comme ça, hein? Donc la personne, on entend un chuchotement comme quelque chose de vraiment faible, et ça dure pas longtemps, puis après il commence, il récite la Fatiha. Donc les sahaba ont vu que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il récite quelque chose pendant ce silence léger, et donc ils ont voulu savoir qu'est-ce que c'est. Et ça, d'un côté aussi, ça montre l'intérêt des sahaba pour le fait de vouloir connaître la salat du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et qu'ils observaient le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Certains ont dit on savait que tu récitais quelque chose ou que tu disais quelque chose par le mouvement de ta barbe, hein, quand il faisait la prière, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait une barbe très fournie, et donc le fait qu'il bougeait sa mâchoire, donc ça faisait bouger sa barbe, et de derrière les sahaba peut-être observaient ça, et donc ils se disaient on voudrait savoir qu'est-ce qu'il dit à ce moment-là pour pouvoir le dire nous aussi. Et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a expliqué qu'il récitait un dua, et il leur a mentionné le dua en question, et il dit que ce dua est un dua qui correspond parfaitement à la situation de la personne qui se tourne vers Allah subhanahu wa ta'ala et qui s'adresse à lui pour lui demander de lui effacer ses péchés et d'éloigner entre lui et ses péchés d'une distance entre ses péchés et lui, pour qu'il ne se retrouve jamais, comme il n'y aura jamais de rencontre entre l'Est et l'Ouest. Il dit c'est la même chose, et également il demande de lui enlever ses péchés, de les effacer et de le laver de ses péchés-là, de le nettoyer de ses péchés-là, comme on nettoie un vêtement blanc lorsqu'il a été sali. Et il dit de le laver de ses péchés et de le rafraîchir de ses flammes et de sa chaleur par les éléments qui vont le purifier et le rafraîchir de la chaleur de ce péché-là, par l'eau, la neige et la grêle. Et ce sont des ressemblances que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a données, des analogies qu'il fait pour faire comprendre dans le contexte de la demande du pardon, et ainsi de suite. Et il dit ici wa ahkam al hadith, les règles reliées à ce hadith. Il mentionne 6 points. Le premier, istihbab du'a al istiftah fi salah. Le fait de faire ce du'a au début de la salat, premièrement, en arabe, on l'appelle du'a al-istiftah. Istiftah, qui vient, c'est la même origine que fataha, hein, al-fath. Istiftah, c'est l'ouverture de la salat. Donc, c'est l'invocation à l'ouverture pour ouvrir la salat ou débuter la salat. Hein, c'est comme Al-Fatiha. L'ouverture de, du Coran, c'est Al-Fatiha. L'ouverture de la salat, c'est le dua que tu fais après Takbiratul Ihram. On l'appelle dua Al-Istiftah. Et donc ça, c'est recommandé de faire ce dua-là. Si tu le fais pas, ta prière sera quand même valable. C'est pas obligatoire. Sauf que de faire ce dua, c'est quelque chose qui est mustahab, c'est-à-dire c'est recommandé, c'est quelque chose de louable et d'aimé par Allah. Le deuxième point, anna makanahu ba'da takbirat al-ihram wa qabla qira'at al-fatihah fi ar-rak'ah al-ula min kulli salah. Donc à quel moment tu dois faire du'a al-istiftah? Ce du'a, tu le fais après takbirat al-ihram. Takbirat al-ihram, c'est le premier takbir que tu fais pour rentrer dans la salat. Et il dit, tu le fais donc après takbiratul ihram et avant la récitation de la fatiha. Dans la première rak'at seulement. Pas à chaque rak'at, juste la première. Ensuite, il dit, le point numéro 3, wa yusirra bihi. ويسر به ولو كانت ولو كانت الصلاة جهرية. C'est-à-dire, ce dua, dua al-istiftah, tu le fais uniquement en silence, même si la prière que tu vas faire, c'est une prière dans laquelle tu vas réciter à voix haute les versets, comme al-maghrib, al-isha, al-fajr. Mais tu vas pas faire dua al-istiftah à voix haute, tu le fais à voix basse. Le point numéro 4, أنه لا يطال لا يطال فيه الدعاء ولا سيما في الجماعة للصلوات المكتوبة. Donc le point numéro 4, il dit que tu dois pas trop prolonger ce dua là, en particulier si tu fais la prière en groupe dans la salat obligatoire. Tu vas pas prolonger parce que si tu le fais trop, c'est quelque chose qui va prendre trop de temps ou qui va être trop long et ça peut déranger les gens. Et si tu le fais dans la prière surérogatoire, alors dans ce cas-là tu peux prendre ton temps, il y a pas de problème. Le cheikh il dit comme point numéro 5, حرص الصحابة رضي الله عنهم على تتبع أحوال الرسول صلى الله عليه وسلم في حركاته وسكناته. Ici, c'est le point que je mentionnais justement tout à l'heure, le fait que les Sahaba avaient une attention vraiment très prononcée pour vraiment suivre les détails des situations et des états du messager sallallahu alayhi wa sallam. Donc il surveillait tout ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait et il observait ses mouvements et il observait également lorsqu'il était immobile ou lorsqu'il était silencieux ou des choses de ce genre. Il l'observait pour voir comment il faisait les choses et qu'est-ce qu'il faisait pour pouvoir le suivre comme il faut. Et il dit comme point numéro 6, أنه ينبغي في مواطن الدعاء أن يلح الإنسان ويكثر من طلب الشيء ولو بطريق ترادف الألفاظ ولو بطريق ترادف الألفاظ. Il faut que la personne dans les moments de dua, il faut qu'elle implore Allah subhanahu wa ta'ala et qu'elle demande beaucoup quelque chose, même si c'est en employant des synonymes dans les termes qu'il utilise. Le fait de répéter l'invocation et de redemander plusieurs fois la même chose, il n'y a pas de mal à ça. Même si tu vas redemander en utilisant des synonymes ou des mots qui sont avec le même sens, c'est pas grave. C'est l'important, tu fais comprendre à Allah ton besoin et tu exprimes le fait que tu es dans une situation que tu veux vraiment ce que tu demandes à Allah subhanahu wa ta'ala, tu veux qu'il te le donne. Le cheikh il dit فإن هذه الدعوات تدور كلها على محو الذنوب والإبعاد عنها، ومعاني الماء والثلج والبرد متقاربة، والمقصود منه يعني متحد، وهو الإلقاء، الإنقاء من حرارة الذنوب بهذه المواد الباردة. Donc le cheikh il dit, il faut que dans le contexte, dans le moment que tu fais ton invocation, il faut donc que tu comme on a dit, tu implores Allah subhanahu wa ta'ala dans la demande de ce que tu veux, même en employant des termes semblables ou en répétant la même chose plusieurs fois, il y a pas de, c'est quelque chose de bien. Et il dit parce que les invocations l'invocation que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous enseigne dans ce hadith, on voit que dedans il y a la répétition de la signification de l'effacement des péchés et de l'éloignement des péchés, et la signification également de l'eau, de la neige et de la grêle, qui sont des choses qui sont proches l'une de l'autre, et en même temps l'objectif est un objectif unique, c'est de se faire nettoyer et laver de la chaleur des péchés que la personne a commis par des matières qui sont fraîches et froides et rafraîchissantes. Hein? Et il y a deux points que le cheikh a mentionnés qui sont bénéfiques ici. Le premier point, الأولى ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم استفتاحات كثيرة ومعنى اللهم باعد بيني وبين خطاياي ومنها وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض ومنها سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك كلها جائزة لأنها واردة ولكن الإمام أحمد اختار الأخير منها سبحانك اللهم وبحمدك إلى آخره لكونه محتويا على تمجيد الله وتعظيمه ووحدانيته، وكان عمر يجهر به ليعلمه للناس، وينبغي للمصلي أن لا يقتصر دائما على واحد منها بل يقولها كلها وليحصل له كمال الاقتداء وإحياء جميع السنة فيها، ويجعل القصار لصلاة الجماعة والطوال لصلاة الليل. Donc le cheikh il dit comme premier point intéressant, comme point bénéfique, il dit que il a été rapporté de la part du prophète sallallahu alayhi wa sallam de manière authentique que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait plusieurs formes ou plusieurs différentes formules de l'invocation de l'ouverture de la salat, c'est-à-dire du'a al-istiftah, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs faces, il y a plusieurs formules de du'a que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a enseigné aux sahaba. Donc, on a vu celle que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mentionnée dans le hadith qu'on vient de lire. Et il y en a également une autre dans laquelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit « وَجَّهْتُ وَجْهِ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ حَنِيفًا مُسْلِمًا وَمَا حَمْدًا » Attends, c'est quoi la suite? « حَنِيفًا مُسْلِمًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ » يعني إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. Ça c'est un autre. Et l'autre aussi, سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. Tout ça c'est des différentes façons de faire du'a al-istiftah. Et elles sont toutes permises et elles sont toutes rapportées dans la sunna. Tu choisis celle que tu veux. Et l'imam Ahmad, lui, il a choisi la dernière, Subhanakallahumma bihamdik wa tabarakasmuk wa ta'ala jadduk wa la ilaha ghayruk, parce qu'il y a dedans la glorification d'Allah et l'exaltation d'Allah et l'unification d'Allah. Et Omar, il la récitait, Omar ibn al-Khattab, il récitait ce dua au début de la salat à haute voix pour l'enseigner à ceux qui étaient derrière lui. Donc, il est permis, dans le but de l'enseignement, parfois de réciter ces du'as qu'on fait habituellement à voix basse, de les dire à voix haute pour que les gens qui sont derrière, qui commencent à apprendre, apprennent ces choses-là. D'accord ? Mais ça, c'est exceptionnel, comme on dit, c'est uniquement pour faire apprendre à ceux qui sont derrière nous. Il dit également, la personne qui fait la salat, elle ne doit pas se limiter uniquement à un seul de ses du'as, elle devrait plutôt varier de temps en temps et changer de formule pour justement que son suivi du prophète sallallahu alayhi wa sallam soit plus complet et pour faire revivre la sunna dans ses différentes formules de du'a. Et il garde les courtes, les du'as qui sont plus courts, il les garde pour la fin de sa salat, tandis que les du'as plus courts, il les garde pour les salats qu'il fait en jama'a, hein, quand c'est plus court, parce que la jama'a, il veut faire en sorte que ce soit plus concis, plus court. Tandis que lorsqu'il prie seul ou lorsqu'il prie la nuit, là, il veut prolonger, il peut prolonger s'il veut, il n'y a pas de problème. Le point numéro 2, al-thaniya, min al-ma'loum, an al-ma' al-sakhin, ablaghu fi izalati al-awsakh, والإنقاء مما هو مذكور في هذا الدعاء في الدعاء المأثور فكيف عدل عنه إلى الثلج والبرد مع أن المقصود طلب الإنقاء والتنظيف والجواب قد حصل من العلماء تلمسات كثيرة في طلب المناسبة وأحسنها ما ذكره ابن القيم عن شيخ الإسلام ومعناه لما كان للذنوب حرارة ناسب أن تكون للمادة المزيلة هذه الباردة لتطفي هذه الحرارة وذاك التلهب. Donc le cheikh il explique ici que le deuxième point c'est que on sait que l'eau chaude elle enlève mieux la saleté dans les vêtements que l'eau froide. Alors pourquoi dans le doua en question, on mentionne l'eau froide et la neige et la grêle? Alors le cheikh il explique et il dit que les ulama ont expliqué à ce sujet-là que en réalité, le contexte du hadith, étant donné qu'il parle, comme l'imam Ibn al-Qayyim l'a mentionné, il parle des péchés. Les péchés, ils ont une chaleur. Hein? Et donc, il convient dans ce cas-là, pour éliminer cette chaleur, d'utiliser des choses fraîches, hein, et non pas des choses de l'eau chaude ou des choses chaudes, hein, puisque ça a un effet contraire par rapport au péché. Donc ça c'est yani l'explication de Cheikh Abdullah Al-Bassam à ce sujet. On va s'arrêter ici pour aujourd'hui pour ce cours, puis on va lire l'autre livre qui est le livre de Sharh Kitab al-Iman de Sahih Muslim. Le titre au complet en arabe c'est Al-Ibtihaj Sharh Kitab al-Iman min Sahih Muslim ibn al-Hajjaj. Et c'est écrit par le Cheikh Rabi' ibn Hadi al-Madkhali hafizahullah. Donc on va s'arrêter ici pour aujourd'hui, puis on va lire l'autre livre maintenant. إن شاء الله سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين